Les mots français qui se terminent par « en ». ENT, ANT, comme important, évident, récent, différent, etc. sont identiques en anglais. Ils s'écrivent exactement de la même façon. En ce qui concerne la prononciation, pronunciation, important en anglais se dit important. Important, c'est important. It's important. It's important. It is important. Avec la contraction, it's important. Ce n'est pas important sans la contraction. It is not important. Right. It is not important. Et avec la contraction? It's not important. It isn't important. Bravo. It's not important. It isn't important. C'est très important pour moi. It's very important for me. It's very important for me. It is very important for me. Avec la contraction, it's very important for me. Ce n'est pas si important. It's not so important. Très bien. It's not so important. Alors, si, so. It's not so important. Comment dit-on différent en anglais? Different. Different. Different. En anglais, le T à la fin du mot se prononce. Different. Important. Different. Ce n'est pas si différent. It's no so... Once more? Oh. It's not so... Right. It's not. So important. Différent? Different. Different. It's not so different. It's not so different. C'est très différent, sans la contraction. It is very different. It is very different. Essayons un autre mot. C'est évident. Évident? Evident. Good. Evident. C'est évident. It's evident. It's evident. It is evident. Récent. Recent. Recent. Recent. Recent. Recent. Recent. Urgent. Urgent. Urgent. Urgent. Urgent. Ça s'écrit de la même façon qu'en français, mais UR en anglais se prononce E. Ce mot se prononce urgent. Urgent. Urgent. Urgent. Urgent. C'est très urgent. It's very urgent. Right. It's very urgent. Ce n'est pas si urgent. It's no... Once more. Oh. It's not so... It's not, yes. So urgent. Right. It's not so urgent. Yes. It's not so urgent. Les mots qui se terminent en français par « ence », « e-n-c-e », « a-n-c-e » sont identiques en anglais. Comment dit-on « différence » en anglais? Différence? Difference. Difference. La différence. La. L'article « la » ou « le » se dit « the ». The. Ça s'écrit T T-H-E. Le TH, ça se prononce the. The. The. The. Avec la langue entre les dents. The. La différence. The difference. The difference. Mm. En anglais, il n'y a pas d'article pour différencier le masculin du féminin. Il n'y a donc pas de différence entre la et le. On dit toujours the. Et une différence, une se dit a. Ça s'écrit simplement a. Alors, une différence. A difference. A difference. A difference. A difference. Mm. Quelle? Quelle différence? What difference? What difference? What? Quelle? What s'écrit W-H-A-T. What? Alors, once more, encore une fois, la différence. The difference. The difference. Une différence. A difference. A difference. Quelle différence? What difference? La préférence? A preference. La préférence? The preference. The preference. Une préférence? A preference. A preference. A preference. Quelle préférence? What preference? What preference? Importance. Importance. Importance. Présence. Présence. Presence. Presence. Absence. Absent. Absence. Ah oui. Absence. Absence. Alors essayons un autre mot. Influence. Influence. Influence.